Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tout qu'on a salué à qui la moja wenu mujina la Jésus-Christ. Nous saluons les frères et les sœurs qui nous suivent en ligne. Tu as salué à Banduku na badada na fata kumtandao. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Shimame njo somi aneno la Mungu. Ruth au chapitre 1. Luta sura ya kwanza. Dans son verset 15 jusqu'au verset 18. Jésus revient. Alléluia. Jésus. Pour la santé que tu nous as donnée. Merci pour ta protection. Nous nous sommes séparés depuis dimanche. Mais lorsque nous voyons notre frère, notre sœur dans l'église, nous sommes certains que tu as été notre bouclier. Seigneur, nous sommes des hommes. D'une manière ou d'une autre, nous branchons. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie chaque cœur. Que notre prière soit une offrande de bonne odeur. Bénis-nous au-delà des paroles prononcées. Que le salut soit accordé à chaque frère, chaque sœur qui en manque. Que la guérison nous soit accordée dans nos corps. Que tous nos besoins trouvent satisfaction. Il y a des frères et sœurs qui gênent, qui cherchent ta face, qui cherchent le baptême du Saint-Esprit. Tu es l'unique Dieu qui baptise du Saint-Esprit tes propres enfants. Fais-le pour confirmer ton alliance et pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Bénis chacun de nous. Bénis les frères et les sœurs qui sont en ligne. Bénis la parole que nous allons lire. Sois avec nous pendant ce service. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ruth au chapitre 1. Luta sur la Kiakwanza. Dans son verset 15. Mustariaki Akunatano. Naomi dit à Ruth. Naomi akamwambia Luta. Voici ta belle-sœur est retourné vers son peuple. Tazama mke mwenjako anarudia taifa yake. Et vers ses dieux. Na kumiungu yake. Retourne comme ta belle sœur. Na wewe pate kurudia kamke mwenjako. Ruth répondit. Ruth akamjibu. Ne me presse pas de te laisser. Usinisonge juni kwache. De retourner loin de toi. Nipate kurudia kwenda mbali na wewe. Où tu iras, j'irai. Ulotaenda, nitaenda. Où tu demeureras, je demeurerai. Ule utaishi, njokulami taishi. Ton peuple sera mon peuple. Taifa yako itakuwa taifa yangu. Ton et ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Où tu mourras, je mourrai. Pale utakufia na mimi nitakufia pale. Et je serai enterré. Na mitajikwa pale. Que l'Éternel mettra dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient de me séparer kama de toi. Naomi la voyant décider. Naomi qui s'est connue avec elle. Cessa d'insister auprès d'elle. Akacha kukazisha kumrudisha. Le verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Bakafanya pamoja safari kufika na pala wangia Bethléem. Et lorsque l'entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue. Na wakati alingia Bethléem, muji yote kashikia furaha. À cause, c'était ému. Bakashanga. À cause d'elle. Kwa ajili yake. Non, les deux. Juabu babawili. Et les femmes disaient. Na bamamba muki bamula anza kusema. Et c'est la Naomi. Et ni ule Naomi. Elle leur dit, na akabambia, ne m'appelez pas Naomi, musinite Naomi, appelez-moi Mara, lakini munite Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, kwani wawezu yote alijaza uchungu, j'ai été dans l'abondance à mon départ, nilikuwa katika utele mkwenda kwangu, et l'Éternel me ramène les mains vides, na wa milele akanirudisha hapa mikono wazi, pourquoi m'appellerez-vous Naomi, Juanini, mutenta tena Naomi. Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, kisha wa milele kusema juu yangu, et que le Tout-Puissant m'a affligé, na wawezo yote aka. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille. Jo ivi barudia mwinchi ya Moab Naomi na mkwake. Ruth la Moabite. Ruth wa Moab. Elles commencèrent à Bethléem, elles arrivèrent à Bethléem, na bakafika ku Bethléem, au commencement de la moisson des orges. Mwanzo ya mavuno ya orge. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusoma neno lake. C'était sur la séparation. Na tulitia mkazo kabisa yule kujitenga. Nous avons dit à l'église ceci très clairement. Tuliambia kanisa hivi wazi wazi. Chaque décision qu'un élu ou un véritable croyant prend, kila mpango ile muteule wala mkristo wa kweli kunabeba. Surtout dans la décision qui traite le salut de son âme. Zaidi zaidi mule mupango iko na ngaria ukovu ya nafsi yake. Dans chaque décision, mukila mupango, il y a une puissance positive. Une karaka uwezo moya ya mzuri. Qui vous fait agir. Ile unakusukuma kutenda. D'une manière à atteindre votre objectif. Munana ya kufika kushaba. Je ne sais pas si l'église a saisi cela. Siwe kama kanisa inabamba ile na. Rien n'est impossible à tout véritable croyant, à toute véritable croyante, qui prend une décision sincère, honnête, claire, de tout son cœur, pour suivre Jésus, rien ne peut l'arrêter. Parce qu'une telle décision est le résultat d'une révélation directe qui vient du ciel. Et quand quelqu'un reçoit une révélation qui vient du ciel, parce que chaque véritable foi, il a imani à quoi, c'est la révélation. Quelqu'un a vu. Il est mutu ariona. Il a touché. Anagusa. Ou il a été touché voilà, par quelque chose de surnaturel. Kimungu. Il n'y a pas assez de démons en enfer. Hakuna mademona ya kutosha mugena. Qui peut l'arrêter? Ile inaweza kumshimamisha. Il n'y a aucune maladie. Hakuna hata magonjwa moya. Il n'y a aucune souffrance. Hakuna hata mateso moya. Il n'y a aucun découragement. Hakuna kulekeshwa hata kumoya. Il n'y a aucune miraille d'homme. Hata kiukuta moya batu. Qui peut barrer ile la route à quelqu'un. Inaweza kuzuiza mutu. Qui a pris de la décision de marcher avec le Seigneur. Ule alibeba mpango wa kutembea na Bwana. C'est pourquoi frère. Jukwa mana nduku. Aba ba frère botu munaka mukanisa. Tous ces frères que vous voyez dans l'église. Na ba sœur botu munaka mukanisa. Et toutes ces sœurs que vous voyez dans l'église. Bani ba baptisa. On les baptise. Mashiku fulani tunatembea nabo pamoja. Marchons ensemble pendant quelques jours. Kufika mukatikati ya njia. Arrivé en cours de route. Banaacha mambo ya Mungu. Elle commence à abandonner les choses. Ni alama ya kuonesha kusema. Ce sont des signes qui prouvent. Aba kubebake mupango ata moyo. Ils n'ont pas pris de décision. C'était des farceurs, quoi tu m'as à michezo, des hypocrites, banafiki, et des pharisiens. Non, bah pharisaïo. Job en toi, il est dans mon bain. Ce sont des telles personnes que nous en avons beaucoup dans l'église. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Bah mingi, na badada. Quand ils viennent à Christ, lorsque banakuya kwa, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont cru. Abelewe, juanini, bariamini. Ils ne calculent même pas les conséquences qui est attachées à leur décision. Aba isabu ata matokeo ile nambatana na ile mupango anachukua. C'est vrai frère. C'est vrai ma sœur. Beaucoup de gens batu ba mingi sont dans l'église de leurs amis, de leurs amis, de leurs parents, de leurs beaux-frères. Non, bien-aimé frère, cela est faux. Il est nikito abongo. Et cela est malhonnête. Na ile ni amuba kabisa. Oui, bien-aimé frère. Dio nduku na dada. Oui, bien-aimé sœur. Dio dada. Ce sont des faux qui font cela. Pas de véritables croyants. C'est vrai, frère. Et une telle foi n'a même pas d'ombre dans la Bible. Il n'existe dans cette Bible aucun homme, aucune femme qui réellement avait reçu la révélation de Dieu et qui avait pris la décision de marcher avec le Seigneur et qui s'est arrêté en cours de route. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous vous avons dit encore. Quand un homme prend une décision véritable dans son cœur, là, sa décision le sépare. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Si quelqu'un prend la décision et qu'il refuse de se séparer avec son incrédulité, avec son ancien entourage, avec ses péchés, avec sa nature, quand quelqu'un refuse, c'est un signe qui prouve que cet homme-là n'a jamais pris de décision et il ne sera nulle part. Il n'avancera jamais. Atendelea. C'est vrai. Ya kweli. Et Dieu ne peut pas, Dieu n'est pas obligé de travailler avec un tel homme. Na Mungu hawezi kutumika na mtu avile. Vous n'irez nulle part avec Dieu. Amtaenda fashi na Mungu. Et Dieu n'a rien à faire avec na vous. Mungu ana na kitu kimwacha. Ana na kufuana na wewe, ana na kazi na wewe. Rien à faire avec vous. Vous voyez bien mes frères. C'est pourquoi nous vous avons dit, la décision et la séparation Mpango avec tout péché et toute incrédulité, c'est ça l'invitation que vous envoyez au Seigneur de venir œuvrer dans votre vie. Parce qu'il ne veut pas agir contre votre volonté. Il faut l'inviter. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Vous refusez de vous séparer. Vous prouvez que vous êtes méchant. Vous avez seulement trompé. Vous avez seulement trompé. Tu n'as pas trompé Dieu, tu t'es trompé toi-même. Voyez bien mes frères, c'est pourquoi nous avons encore dit, dans la foi, dans la chrétienté, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à notre place. Si nous ne les fassions pas, Dieu ne viendra jamais les faire à notre place. Non. Heureusement, j'ai trouvé cette pensée-là dans la décision. La puissance de la décision. La puissance de la décision. C'est un message de Frère Branham. La puissance de la décision. À la page 5 au paragraphe 12. Et Frère Branham interprète l'écriture de Jean chapitre 15. Et il dit ceci. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire et que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions? Savez-vous cela? Quoi bien, mes frères? Non, Adada. Si toi tu ne prends pas la décision, Kama, wow, mpango, ce n'est pas Dieu qui viendra prendre la décision sur toi. Atakuya kubebea ata mpango, papa shiako. Si toi tu ne sépares pas, Kama, tu ne te sépares pas, aujitengi, ce n'est pas Dieu qui viendra te séparer à ta place. Ujitenga, papa shiako, non bien aimé frère. Pana Adada. Il faut accepter de se séparer. Na farzari, si tu ne le fais pas, c'est fini pour toi. La décision, l'obéissance et la séparation marchent ensemble dans la marche de la foi. La décision, l'obéissance et la séparation avec toute incrédulité est un principe fondamental et incontournable qui amène le Seigneur à nous venir en toutes choses et dans tous les domaines. La décision, Bango. L'obéissance dans la foi, Mkatika imani. Et la séparation totale na kujitenga kwa lote. Avec l'incrédulité, na kutokuamini. Avec tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, na yote iko kinyume avec tout ce qui est contraire na à la Bible, yote iko kinyume na Biblia. Avec le péché est un principe fondamental et incontournable. C'est incontournable. Il n'y a pas moyen d'enjamber cela. Il n'y a pas moyen d'aller loin de cela. Il faut passer par là. Na fazari upite pale. C'est la voie obligée. Njia la voie obligée. pour le salut, pour la bénédiction, en toutes choses, dans tous les domaines, dans les domaines spirituels, dans les domaines physiques, dans les domaines sociaux, dans chaque domaine de notre vie, la voie obligée que quelqu'un ne peut pas fuir pour voir la main de Dieu dans sa vie, pour que Dieu le bénisse, qu'il accepte, voyez, de se séparer, qu'il obéisse à toute la parole de Dieu et qu'il le fasse avec une décision inébranlable. Pas aujourd'hui, tu décides comme ça, le lendemain, tu changes. Non. Ça vient d'un véritable cœur honnête. Devant Dieu et dans tout ce que nous faisons, soyons honnêtes et sincères avec Dieu. Toutes les décisions que nous prenons dans le domaine de la foi, soyons honnêtes et sincères. Parce que ces décisions-là, nous ne la prenons pas devant les hommes, nous la prenons devant Dieu qui connaît toutes choses. Donc, toute créature est nue devant sa face. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Quand un croyant, une croyante, vit dans la complicité avec le mal, il vit dans la complicité avec le péché, il vit dans la complicité avec l'incrédulité. Il est impossible. Il est impossible d'être béni de Dieu. Il est impossible d'avancer avec le Seigneur, de croître dans la foi avec un croyant qui vit dans la complicité, avec l'incrédulité, avec le péché, avec le mal. C'est pratiquement impossible. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Et quand nous disons la séparation, séparer et les repousser de loin. Il est namna yakoyote kwana yakuishi. Votre façon de vivre. Avant que umujue Yesu. Avant de connaître. Avant que umwamini Yesu. Avant de croire. Il faut kuibiacha ngambo ingine na mutoni. Se séparer avec ça de l'autre côté de la rive. Aliwezi kukushindikiza msafari yako. Mawazo yako yenyewe. Ile ulikuwa uko nayo. Iko na kuongoza. Wakati ya mwili wa Kristo. Uya tele na mwingine. Tu dois laisser ça de l'autre côté de la rive. Mivuario yako. Ile ambao ulipendaka. Tu aimais tant. Ya kuambatana dunia. Ni semeo yako ya kidunia. Ni biache ngambo ingine biachana na weye. Beba we mwenye mipango ya kusema. Sita bifanyaka tena. Je ne le ferai plus jamais. Unakuwa sasa kandida. Tu es devenu maintenant candidat. Kutembea na Kristo. Unaingizwa mukazi pour marcher. Unakuwa kandida wa kubarikiwa na Mungu. Tu es candidat pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mwile domaine. Donc mwile domaine. Hamuna mambo ya hypocrisie. Hamuna mambo ya kanisa. Il n'y a pas question de l'église. Si tu refuses. Kama unakatala. Utabaki membre wa kanisa. Tu vas rester membre de l'église. Tu n'es pas différent. Lakini tu ne seras pas différent. Hautachana au mwanamke. Na vile ulikuwa kama dunia. Mumazemu. Du monde dans les dénominations. Tu seras seulement aussi interdénominationnel. Interdénominationnel. Kizebu mwanamke mwanaume. Dans une église où on prêche le message. Kanisa mule be unahubiri ujumbe. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Pourquoi on est à couper ton magie tout fuit. Tu aimais des mini. On n'a pas à couper mes pains à couper. Tu dois prendre la décision de laisser ça. D'ailleurs, comment une chrétienne, Namakani, mon Christ, où les tout en bas, et qu'on est des chimies, qui se respecte. À ta ouais, je vois là ton mancage, ton ma genou, ma mollet y a que yo t'inge. Maître de robe qui arrive jusqu'au genou, tout en laissant les mollets à découvert. Je connais ça, ce moment on a sérieusement tu es en train de prouver que tu n'es pas tout à royauté dans les choses de Dieu. Le corps d'une femme est sacré. C'est sacré. On ne peut pas l'exposer n'importe comment. Aujourd'hui, Léo. Ça m'étonne même d'autres sœurs. Elles se disent chrétiennes, mais en train de voyager avec ensemble les avec les mondes, monde, les avec modes. Les modes du monde. Je vous ai toujours dit que les modes, mode signifie, manake, c'est le monde des démons. C'est ma démons. Le monde des démons. Ce qui signifie mode. Manake, jo, mode. Monde des démons. Ou du moins, il y a ma démon. Maintenant, si toi, ma soeur, toi, mon frère, on a peine dans ma mode de sana. Trop de mode. Quand je regarde les téléphones, il y a ma jeune soeur, et même les jeunes femmes, même les vieillards. Comme on a regardé ma téléphone, si vous regardez le téléphone, Moko, ma vie mankanjo. Il y a des robes, il y a des jupes, des prostituées. Comment une chrétienne peut se faire de non, bien aimé frère. Il y a des robes. Tu as connu chez ma moule, une femme mariée, le manquant de ta moule. Il est en train de mourir. Et avec haut talon, en attendant aux yeux des hommes, elle n'a même pas honte. Qui est qui n'a pas honte? Une femme, c'est la honte. Une femme n'a pas la honte. Elle devient fourbe et démoniaque. Ou qui démona. Honte ni haïe. Ils ne peuvent pas permettre à une sœur d'entrer ici avec les mollets. Les robes des sœurs, ça doit dépasser même leurs genoux. C'est un dessin. Il est à une femme de s'habiller de cette manière. Quand on va dire que tu veux continuer, je crois que tu as frère, je ne peux pas faire ça. Dans ma pantalon, à Baloubondo, on ne peut pas faire ça. Pantalon, je ne sais comment, avec Kutika. Un diacre comme un policier. Un diacre. Parle à la chimama. Et qu'on a contrôlé le confort dans la m'enseigne. Et qu'on a contrôlé. Il est qu'on a dit à Mounyumba Takatif Yamoun. Tout ce qui entre dans la maison de Dieu. On a voilà la mouvaya na koulouriche. Si tu t'habilles pas correct, il va te retourner. C'est ça le comportement d'un diacre. Jo, nam na koujitoire à Chimache. Il a été établi pour ça, pour veiller sur la sainteté de l'Église. Si tous vos frères, vos sœurs, vos amis, on ne doit pas être tolérant avec eux. Et des anciens frères, à tous ceux qui vous humilient, c'est vrai frère. Quand quelqu'un se sépare, il entre dans un milieu différent, parmi un peuple différent, et il y a un comportement différent, et il y a des lois différentes, et il y a des natures différentes, et il y a un habillement différent, et il y a des raisonnements différents. Mais quand quelqu'un vient, qu'il nous trouve que nous sommes différents de toutes les déterminations. Il ne faut pas quand vous êtes dans la cour catéchique qu'il se sente et qu'il se sente à l'aise. Non, non. Tant va dire que le reste est au sérieux. Ah, oui, je crois que c'est la comme une madrède, comme une madrède. Ah, comme une madrède. Apana, frère. Non. Un diacre sérieux ne peut pas accepter ça. Madrède. Ne peut pas accepter madrède. Dans notre église. Apana, non. Un diacre sérieux. Chimache, toi, mon yote. Il est de notre pays. Et comme un pays. Ce diacre-là, il est de notre pays. Lui-même, il est régénéré. Il connaît comment sa vie, les frères et les sœurs de sa famille régénérée. Même si ce sont ses cheveux naturels. Comment il a quoi ma cheveux, savement tissé, savement tressé. Il vient de vivre dans notre ma soeur, ça on n'aime pas dans notre royaume, dans notre église. Nous sommes un peuple céleste. Akambo. Nous sommes les modèles des hommes célestes, mais qui vit à Kambo, qui vit à Kambo. Nous devons refléter l'image de notre royaume, de notre famille. Même quand Frère Banamé est parti de l'autre côté, il n'a pas vu les sœurs qui portaient des robes, qui arrivent jusqu'au genou, qui montent les mollets. On n'a pas vu. Quand quelqu'un naît de nouveau, il entre dans la famille de Dieu, il reçoit l'esprit d'en haut qui l'amène à vivre comme quelqu'un de, céleste. On est diacre sérieux, on ne se voit pas boulard. On est frère qu'on a fait, on est si à frère qu'on a nous quand on tombe. Tu sens qu'un frère est en train de dégager l'odeur de la cigarette. Il va suivre l'église. Il va suivre l'église. Il va mettre les frères mal à l'aise. Il va suivre l'église. Il reste là dehors. Pendant qu'on a quoi suivre l'église avec ça. Il va suivre l'église avec ça. Dans les parents rédempteurs, Baba Mkombozi, les parents rédempteurs, Mkombozi, écoutez comment Frère Banam dit, à la page 17 au paragraphe 83, quand j'ai reçu Christ, j'étais chassé de chez moi. Je connais quelques frères ici. On les avait chassés de leur maison sous le toit paternel. Ils sont ici. On les a chassés. On les avait chassés. Les autres ont été menacés. On ne va pas se payer les frais scolaires. Nous n'avons pas de problème. Si c'est à cause de Dieu qu'on t'échasse, c'est à cause de Dieu. Il t'a donné d'autres pères, Dieu nous a donné des maisons, c'est pour ça. Pour ceux qui sont persécutés à cause de la parole, ils trouveront des mères chez nous. Il n'y a pas de problème. Akuna mambo. Quand on a vu le frère, ce sont des jeunes gens. Ibabiana. On a commencé à les persécuter. Ils sont restés fermes. Maintenant, quand son papa, leur parent, voit maintenant que les enfants commencent à échapper. Vous voyez maintenant. Littéraire et chétain. Nikayatu mangungu du diable. Joe, ma conséquence, ma atari à Imani. Matoke à Imubaya, dans la foi. Moutoto mwanamuke. Et la fille, même s'il est dans le mariage, au moment où il reçoit, c'est ce que nous vous avons lu. Il est tourné sur premièrement, Christ. Le papa, Baba, la maman, mama, après. Bata fata kisha. Quand j'ai reçu Christ, j'ai été chassé de chez moi. Quand j'ai reçu Christ, mes copains et mes copines, tout le monde m'a rejeté. Pourquoi? Je me suis joint à un groupe de braves gens qui avaient le Saint-Esprit, qui croyaient en Dieu. Et qui les servait, les filles qui étaient dans cette église étaient différentes des filles avec lesquelles je sortais. Leur apparence était différente. Leur apparence était différente. Comme au début quand on a tué. Mwanzo mwakati tuliamini. Même dans la marche. Kutembea tu. On savait du Seigneur que vous le savez. Kwamba uli dada wa mtabernacle. Même dans l'habillement. Hata mkuvwala tu. Hapana leo hivi. Non pas aujourd'hui. C'est honteuse. Ba sœur beko naweka mapoudre. Ba naweka bima mèche. Ba naweka bima dread comme dread. De mèche, de dread. Bima dread. Ni madred ibi bara ibi ana ibi byakure bangulube ni binini ibi nini mzee byakure bangulube ni nini bana bitaka binini dresh dre ah ni madresh devi ni madresh na wogich byakure bangulube que vous mettez à la tête sont des carouges comme un chrétien na makani peut faire comme ça anaweza kuanza kuweka habitu ya vile ce qu'il me connaît. Na ba frère, na bo, na ba frère, les parents, yaka na miyaka, eko na ba toto yake mounyumba, banweka ma dreche, ba toto yenu, beko na reflete imani yenu. Kama unaona mutoto wa frère, mwanaume au mwanamuke, mwanamuke unaweka bima meche na ma dreche, ni mama yake njo eko inconverti. Sa mama asiamini. Baba yake ndio converti. Oh, batoto wanakuwa nguvu. Eh, unakisha les enfants sont devenus difficiles, sont devenus têtu dans ma maison. Kicho nguvu munyumba yangu. Têtu dans ma maison. C'est faux. Ya bongo. Mtu unamzalia un message. Alianza kicho nguvu de puta. De wakati kani la commencé la discipline de la parole de Dieu. Wakati kani ulimweka utawa ya neno la Mungu. Ni conséquence ni matokeo ya mafoyer ba frère na ba frère ba frère na ba sœur. Nos foyers. Abaomba ke Mungu. Ils vivent dans leur foyer comme ils vivaient autrefois. Kabile baanza kuishi zamani. Et les résultats sont des enfants délinquants. Des fils délinquants. Ba isha kwarabika, ba ramuki isha kwarabika. Les filles sont en train d'éclaircir leur peau. Faux. Et toi, bon goût. Leur apparence était différente. Elle agissait différemment. Elle était étrange. Moi-même, en tant que Branham, au début, je les craignais. C'était des gens différents. Il avait peur de ces filles-là. Vous voyez, frère. On a Ndoukou. Vous voyez, sœur. Vous voyez, mon on a dada. C'est quitter tout. C'est quitter. Kuditenga. Savoir quitter tout et se séparer totalement avec le péché. Comme Ruth. C'est vrai, frère. Qui a dit, Naomi, ma belle-mère, je ne te quitterai pas. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mien. J'agirai comme ils agissent. Je verrai comme ils le font. Je mangerai ce qu'ils mangent. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Que le Seigneur mettra dans toute sa rigueur si je ne tiens pas ma parole. Voilà une décision claire et nette. Dieu veut que son église prenne des décisions claires et nettes. Une décision qui les conduit à une séparation totale. C'est ça. Un chrétien. Vous voyez bien mes frères. Mais vous êtes encore en complicité avec le péché. Non frère. C'est pourquoi nous vous avons dit, celui qui refuse de se séparer n'a jamais même commencé sa marche avec le Seigneur. Et il n'est même pas encore dans les plans. Où les aya disenga qui n'était pas encore séparé aya ingi ata muma apo ya okovu n'est pas encore entré même dans le plan du sali. Dieu ne le connaît pas. Mungu ashiamuju ata et lui-même ne connaît pas Dieu. Dieu mwenye ashiamuju ata Mungu. C'est pourquoi vous voyez jokwamana mtaona dans 2 Corinthiens, c'est une écriture habituelle. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, arrête de faire ça. Si tu abandonnes ça, d'un cœur sincère, Dieu prendra soin du reste. Oui, bien mes frères. Oh, mitaishi je aina mambo. Oh, pasteur. Pas de problème, pasteur. Mikingani mtoto muimani. Nani, mitafana je. Aina mambo mtoto ya imani. Il n'est pas question d'être petit dans la foi. Tu anabeba mipango. Quelqu'un prend la décision. Ya kumfuata Yesu. Na anapoka ufunuo ya kile Yesu yuko. La révélation de ce que Jésus. Anakuya kama jimu. Il posera des actions. Il iko na changisha bantu bote. Il est ma décision qu'on a beba. C'est la volonté parfaite de Dieu. Il ne sera jamais déçu. Kamwe atapataka haya. Bantu watasema nous allons voir. Dieu va t'amoner. Mais en portant la couronne de Christ. Beba taji ya Christu. Dieu ne peut pas abandonner celui qui vient à lui. Kwatiria ula na mtegemea. Apana kuna foi na hypocrisie. On a fanya on a fiki. Kama unajisenga. Si tu te sépares. On a lancé des filles kwa Mungu. On a mpinganisha Dieu. On a mpatia maisha yako. Tu donnes ta vie. Frère. Nduku. Wewe mwizi wa mazutu. Toi voleur de carburant. Je mule rukwa kona riye. C'est là que tu trouvais de quoi manger. On avait mpango a kwa cha kuiba mazutu. Tu as pris la décision d'arrêter de voler les carburants. Tu dis moi je mourrai à cause de Christ. Mitaku foi Dieu à Christ. Le Dieu vivant. Mungu mwenye kuya si tu es sincère. Kama ukutu na Mungu wa wazi. Il va s'occuper de toi. Ata kuangaikia. 2 Corinthiens chapitre 6. Wa Korinto wa pili sura yake ya 6. Vous pouvez commencer au verset 14. Mwezi kuanzia kumstari ya 14. Verset 17, je commence par là. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Apana kugusa. Ne touchez pas aux interdits. Voyez bien mes frères. Je vous accueillerai. Ah papa, je ne sers, tout qu'on a changé, mais on a l'habitude, mais on a vunja bubikira mon message. Nos sœurs que nous voyons est en train de briser leur virginité dans le message. Quelle honte! Ni Ayakani. Quelle honte! Ayakani. Tout autre toi bandumba. Les filles des prostituées. Tout bandumba. Tous les arrivent comme bandumba. Et même sont des prostituées. Tous les arrivent comme bandumba. Bandumba. Il faut briser la virginité. C'est de l'émancipation. Quelle émancipation? Quelle émancipation? La virginité, c'est être insensé. C'est ça même la stupidité de la femme. Et quand quoi elle est honorée, une fille comme ça, elle est jeune. Waouh, petit tout, elle a quel respect. Ma compagnie, y a il est nom, il faut vous quitter. C'est de telles compagnies qu'il faut fuir. La mauvaise compagnie corrompe toujours les bonnes mères. Mes bien-aimés frères, on a tombé à tout un homme, avec la changa, l'outoukou na liamba, de l'alcool et de chambre. D'autres connaissent pas ça, c'est non. Et sans te dire. Bah, ils tombent bien parce que c'est un peu moins qu'on a fait la magie en groupe. Il y a une personne qui fait des magies terribles. Yo, ouais, frère, na ouais. Et toi, un frère, toi aussi. Démon, on est un démon, tu t'envoies aussi. Non, frère. Pas Nando. Sortez du milieu d'eux. Tokeni katikatiya. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Vous ne pouvez pas être reçu par le Seigneur aussi longtemps que vous fraternisez avec ce qui est impur. Tu es encore complice dans le péché, dans le mal. Non, bien aimé frère. Séparez-vous de tout ça. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dis le Seigneur Tout-Puissant. Je ne pas dit le pasteur. Ou dit un prédicateur. Oui. Celui qui parle comme ça, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui a planifié le salut. C'est celui qui est venu mourir au bois du calvaire. C'est celui qui doit te sauver. Ton rédempteur, dans Israël en Égypte. Israël et l'église première partie. Israël na kanisa première partie. Qui pendait qui a quoi? Rabbanam dit ceci. Rabbanam a ceci maïs. Au paragraphe 72. Kunota qui a makumi sa banambi. Ce qu'il lise. Mais. La kini. Dieu appela Abraham. Mungu a kamuita Ibrahim. Lui demanda Nakamomba, et lui dit Nakamambia, de se séparer Ajitenge, de tout ce qu'il avait na yote ilalikuwa nayo, et d'aller na kwenda, dans un pays étranger. Inchi ya kigeni, regardez Mongalien, une séparation Kujitenga. Se rend dans un pays étranger kwenda munchi ya kigeni, dont on ne sait rien. Mule abajue kintu. Voilà le christianisme. Tazameni ki Christu. Le véritable christianisme, Christu kia kweli, c'est sortir du monde. Ni kutoka mudunia. Sortir du paganisme. Kutoka mukipagano. Sortir de toutes les habitudes du monde. De tout comportement mondain. Et de toute famille mondaine. aller dans la famille de Christ. Ya Christu. Là où tu ne connais pas, Mule aujue, comment il faut agir. Nana kana fazali utende. Tu vas dans un pays où on va t'apprendre comment il faut vivre. Tout qu'on a couru à Muneno la Mungu, dans la parole de Dieu, tout ça Mungu, et tu fournis un homme la carrière à Kouishi, mon royaume Yetu, mon famille Yetu Yassata, dans notre nouvelle famille. On a couru à Katikati Yetu. Vous venez parmi nous. On t'apprend comment il faut vivre chez nous. Et toi, tu dis, même les catholiques, même les catholiques, même groupe de prière, même chez les tonneristes. Pas na ile swahili ya tuipende. Pas ce langage. Luria mule on a rentre de là où tu viens. Tu n'as pas reçu l'appel de Dieu. Okay. Si vous entrez dans une Devez vous humilier. Vous apprendre comment on vit dans cette nouvelle famille. Le message du temps de la fin n'est pas un message confessionnel. Dénominationnel. Ici, il faut la vie. Apa ni maisha. Quand vous vous séparez, wakati mnejitenga, vous venez, unakuya, tu ne connais rien, aujue kintu, il faut qu'on t'enseigne comment il faut vivre, comment il faut se marier, comment il faut vivre dans le couple, comment il faut se tenir dans l'église, n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. Na lali wala rusa ya kufanya aizuru nini. Nous sommes liés. Si tunaisha kufungwa. À la crainte de Dieu. Boka ya Mungu. Au respect du culte. Heshima ya ibada. Au respect de la parole. Heshima ya neno. On ne se comporte pas dans la présence du Seigneur n'importe comment. Hatutendaki aizuru namna kani mwepo ya Mungu. C'est ça le christianisme. Joti Kristu. Une séparation kujitenga d'avec les choses du monde na bitu ya dunia. Pourquoi? Dieu a nini? Car Dieu vous a appelé. Mungu alimiita. Vous allez dans un autre pays pour habiter parmi les gens dont vous ne savez rien pour être un pèlerin. Un pèlerin, quelqu'un voyage dans cette église, dans ce message, nous sommes des pèlerins. Nous allons où? Nous allons dans l'enlèvement. On ose l'agneau. Oui, bien mes frères. Amen. Amen. Lorsque j'y pense, je peux à peine me maîtriser. Vous voyez, pèlerin. Pèlerin, safari, étranger, mugeni, je suis pèlerin, mugeni, étranger, safari, un pèlerin, mugeni, un étranger, msafiri, n'a pas le droit de vivre n'importe comment. Il n'est pas libre de se comporter n'importe comment pendant qu'il voyage. Wakati eko msafari. Quand vous n'êtes pas content bien qu'un avion, si avez-vous déjà voyagé par avion train, ou avec le train, vous avez eu un man à vous pèlerin. À ce moment-là que tu comprendras ce que signifie voyageur. Allez une fois en Israël, vous comprendrez qu'est-ce que c'est un pèlerin. Vous sentez réellement que vous êtes un étranger. Quand on a fait comme si vous arrivez que dans une ville, vous n'êtes pas au hôtel. Vous entrez à l'hôtel. Vous ne savez quand est-ce que vous allez quitter. Mais esprit est nous. Vos esprits. Il a dit à Kusema. Nous ne sommes pas ici pour longtemps. À tout à Kawi à Apa. Vous avez un autre téléphone deux jours. On peut faire deux jours ici. On a fait la demi-journée. Quelques heures. Vous mangez. C'est dans ce coup, et puis on vous dit, tu es de face pour l'âne. Allons quelque part. Moukona lala. Vous dormez. Toujours taillari. toujours prêt. Ma valise, bien emballé. C'est comme ça qu'un pèlerin voyage. C'est comme ça qu'un chrétien se comporte dans la foi. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit agir. Frère, pour Christ, la chrétienté, vous ne l'êtes pas par coïncidence. Non. On ne devient jamais un chrétien par coïncidence. En réalité, ce qui devient réellement, véritablement, enfants de Dieu, sont des hommes et des femmes prédestinés. Dieu les avait déjà vus avant la fondation du monde. Dieu avait déjà vu leur comportement vis-à-vis de sa parole. Et Dieu les avait aimés. Il les avait choisis. Ils avaient prédestiné. Va atteindre l'objectif. Frère, ma soeur, ce n'est pas par coïncidence. C'est pourquoi qu'un chrétien entend la parole. La parole de Dieu. Il connaît profondément. Pénètre Katika Oupana. Ce n'est pas une bonne musique. Non. Il a une autre compréhension qui est en dehors de l'humain. Compréhension des humains. Même là où le pasteur, où le prédicateur parle à mi-mot, le Saint-Esprit lui révèle la profondeur de ce qui a été voilé. Ce sont des hommes et des femmes spéciaux, les élus. C'est vrai, frère. Pour être sauvé, il faut être un élu. Si tu n'as jamais été élu, nous allons expliquer pour faire tout connaître ce que signifie, signifie un élu. Vous voyez bien, mes frères. Si tu n'as jamais été un élu, tu ne seras jamais un chrétien, tu ne le seras pas. Oui, bien, mes frères. Imbwa, ni imbwa depuis mon tumbo, il est chien depuis dans les entrailles de sa mère. Ah, nata imbwa mon tumbo, mama yak, depuis mon kifwa ya baba yak. Un homme est un homme depuis mon kifwa ya baba yak. Il ne devient pas un homme dans les seins de sa mère. Il ne devient pas un homme quand il sort. Il était un homme. Voyez. Ah, quand il était encore dans le spirituel. Même quand il était dans la pensée de Dieu. Il était toujours un homme. Il n'était pas un chien. Ou il était un singe. Makaka. À la naissance, il devient un homme. Non. La naissance manifeste ce que Dieu avait déjà déterminé depuis l'éternité. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Si Dieu ne t'a jamais connu avant la fondation du monde, tu ne seras jamais chrétien. Tu ne seras jamais chrétien. Ou tu es une canisse, mais tu ne changeras jamais. Lakini autabadilikaka. Voyez bien mes frères. Non, on doit comprendre. Voyez bien mes sœurs. Nakushika sauta mungu ni autanza kuishikia. Écouter comprendre la parole de Dieu, tu vas même pas comprendre. Oui bien mes frères. Dio nduna dampendo. Oui bien mes sœurs. Dio dampendo. Ce n'est pas par coïncidence. Aina kwa kubahatisha. Ah, que vous devenez un chrétien non. Tu es un Christ, apana. Maintenant, dans le paragraphe 44, maintenant, ceci peut être très fort. Et je voudrais que vous y fassiez attention. Oui, ce que je viens de dire aussi est très fort. Mais je voudrais que vous y fassiez attention. Immédiatement après les choix, l'élection, C'est la séparation avec toute autre chose. Dès que Dieu appelle, vous voyez, l'élection, la décision, l'obéissance, la séparation, ça marche de pair. Dieu choisit, il appelle. Alors, l'autre il appelle, il vous sépare de toute chose qui s'accroche à vous. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un problème de deux ou de trois personnes ensemble. Dieu attend chaque individu. C'est une affaire individuelle. Chaque personne en particulier. C'est la famille collective. La foi collective. Non, bien aimé frère. C'est la foi de la famille. Bongo. C'est faux. C'est personnel. Eh bien, c'est l'élection. Je voudrais insister sur cette élection, car c'est la vérité. Maintenant, vous n'êtes pas devenu chrétien par simple coïncidence. Non, en effet, vous êtes devenu chrétien avant que vous soyez dans ce monde. Avant que vous naissiez, Dieu vous avait destiné à être un chrétien depuis les jardins d'Éden, dès la fondation du monde. Oh, vous voyez ? Vous voyez, oh, vous dites, est-ce que c'est juste frère? Oui, c'est la vérité. Avant que vous sachiez quoi que ce soit. Si tu es incapable de te séparer avec les péchés, j'ai échoué de te séparer avec tes comportements. Tu n'as pas de décision. Tu n'as pas été prédestiné. Si la foi n'est moins mort, vous allez à punition que tu n'es pas prédestiné. J'ai cherché le Saint-Esprit de toute façon. Tu n'es pas prédestiné. Où connais-tu ta faute? Vous voyez très mal. Où qu'on a entendement corrompu, tu comprends d'une manière insensée. Tu es perverti. Tu ne comprends pas. Tu es hors pas. Un homme charnel, une femme charnelle, tu ne comprends pas. Moi, si j'aime le moutotango, j'aime le corale. C'est d'abord ma fille qui chante à la chorale. Dieu va l'aider. Dieu ne va pas t'aider parce que tu chantes à la chorale. Pasteur, même si tu deviens pasteur, Dieu ne va pas t'aider. Nous avons beaucoup de pasteurs qui couchent avec des femmes, des voleurs. Bah, inconverti, ils font tout. Les salis, c'est autre chose. La séparation, c'est autre chose. C'est une expérience. Pawe kujitenga na incrédulité. Kujitenga na nzambi. De telle manière. On a été complice ou en zambi. Ou à dire tu bipaya. Ou à incrédulité. Il faut être élu. Il faut être prédestiné à cela. Sinon tu n'iras nulle part. Tu ne feras rien. Un chrétien ou une chrétienne de dimanche, Maïcha, et c'est fini. Persévérer dans les choses, tu ne persévères pas. Maïcha, la vie est changée, ça ne change pas. Si on te regarde, on t'observe, tu dégages l'odeur du paganisme. D'une païenne d'un païen, mais à qui tu es dans les messages? On te connaît par les pasteurs, l'église te connaît. Tu dis encore dans la dissimulation. Pourquoi? tu n'es pas un élu. Tu n'es pas un prédestiné. Un élu, un prédestiné. Quand il entend la parole, il prend une décision sincère et ferme. Il se sépare. Et rien ne peut le décourager pour se séparer du péché. Il ne trouve pas difficile. Il y a quoi dans Zambie? Il y a miracle que mon Zambie. Un élu. N'a jamais que Mozambique. Il n'a pas de plaisir dans le péché. Il n'a pas de plaisir dans les gens contre la parole. Mais la décision, sa décision, il y a en elle une puissance positive. Il est comme moi, Baptiste, dans le nom de l'amour. A ta vie combien de vous, en invitant qu'un. A ta vie n'a pas bien. Dis comme mon fils, c'est un coulou. Il accepte cela. Où qu'on a raison. Même si c'est pénible, mais j'aime mais cela. Si moi, je ne peux pas abandonner ça. Voyez bien, mes frères. Les gens qui ont la foi, comme Pierre. Ça peut tout. Jésus dit, Benjago Shibanenda, Anasema, Tenda, Tenda, à qui il est. Tenda, Tenda, Kouanani. Il est encore chez qui. Moi je sais que c'est toi qui as les paroles de vie éternelle, à qui irais-je? Et ils sont partis à l'école, c'est leur problème, les hauts pour vous étaient partis. Moi-même si c'est difficile, c'est possible. Le pénible là, c'est quand on a quoi en vous. C'est seulement lorsque c'est impossible, c'est à ce moment-là que je vais me séparer de toi. Je ne peux pas me séparer de toi, je n'ai nulle part où aller. Que je rentre encore au péché. Je ne rentre encore chez les pharisiens. Je rentre encore chez les pharisiens. Là, je refuse. C'est les pharisiens ou c'est les sadducéens. Je refuse. Moi, c'est seulement avec toi, Jésus. Je n'ai nulle part où aller. Comment on appelle si tu veux me tuer, tue-moi. Mais la Kini, c'est toi-même qui vas me ressusciter. C'est ça, un élu. Je me déroule. Oh, Bikongu, oh, c'est pénible, c'est une génération. Dans cette génération, génération dans cette génération de la Odyssée, dans la de la Odyssée, a doublé le diable a doublé le péché. Mais notre décision de foi, il n'est pas Djangou, il y a pour ici au-dessus du péché de la Odyssée. C'est pourquoi Dieu nous appelle des vainqueurs. Nous serons des vainqueurs comment? C'est quoi vainqueur, Dieu? Comment est-ce que tu vas Bachindaji? Il n'y a aucun péché, ni l'homosexualité, ni n'importe quel péché. Que Satan invente, il te vaincre. A toi, Kwanguka, nous en Zambie à la Odyssée, parce que nous sommes des élus. Nous avons la puissance de la foi. Vous voyez, pour se détacher de toute la Odyssée, aucun péché ne peut se tuer un élu dans la Odyssée. C'est ce qui crée la différence. Gardez la dignité. Non, ce n'est pas difficile. Ah, ce n'est pas pénible. Oui, oui. Des garçons chats. Dans la Odyssée. Ils ont accepté de se séparer. Rien n'est impossible à celui qui a pris la décision de suivre Jésus. Avec Jésus, nous sommes toujours vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Pas de compromis, levons-nous par rapport à la prière. Nous sommes des rites. Nous, l'épouse des nations. Bibi Arusi Ormataifa. Comme rite la Moab. Voyez. Qui venait d'une nation maudite. Ou la rente à Koutoka Mkizazi Kulaniwa. Nous des siens. Aujourd'hui, Léo, nous sommes appelés l'épouse Bibi Arusi Wabwana Arusi. Prions. Tombe. fermes.